喂，Prisca, Prisca. 2-7-0 frérot, ON3. Bro. Middle, middle dans ta grand-mère, fils de pute. Je traîne comme dans un film de cul. Je traîne pas avec UCQ. Tu me tends l'autre, je suis dessus. Je recharge ma bonbonne, tu fais plus. Tout se liquide, tout s'est flux. Ceux avec qui tu marches, c'est ceux-là qui te tuent. C'est pas l'air en boîte, ça s'écrit P-U-T-E. Ces bâtards sont des suiveurs, hashtag, ils sucent des queues. Fais que de place. Coulant roro, cœur de glace. Hier, lui vit ton quel audace. 1 million, tous nos masques. Derrière les barreaux, cavaliers. Toujours au garrot, avalé. On sait comment ça va se finir. Pas la peine de bavarder. Si t'es mon pire pour toi, je le fais gratuit. Si tu piges pas mon magnum 38, gratuit. Triade, pourquoi tu t'emportes? Excuse-moi, mais tu comprends. Sur moi, tu complotes. Suce-moi et suce mon pote. Kilo aérodrome, plomo pour un chrome. Incurable et mon syndrome. On check sous terre avec des hématomes. Le coup de crosse est électrique. On vole les voleurs parce qu'ils peuvent pas appeler les flics. Dans mon cas, c'est génétique. C'est le scénario, le son du ton cas, c'est le générique. Pour toi, c'est la merde. Pour nous, en tout cas, c'est bénéfique. Avec cette dose, je suis invincible. Casque intégral et je suis invisible. Je t'actionne même si t'es pas ma cible. Tu crois sûrement qu'on n'est pas massif. Tu fais du bruit, on déclare pas. La malglaise t'éblouit mais t'éclaire pas. On charbonne, on s'éclaire pas. On sait que c'est mal, on saute pas. Tu peux demander, j'ai des mains dans le dos. Même les yeux bandés, on rentre dans ton bendo. Je rentre dans le pool d'une toile et ça cap plus. Je lâche la purée à ta plus. Dis-moi bitch si ça t'a plu. La fama y'a que ça de vrai. Moi je donne, je fais pas de prêt. Moi je donne que pour les vrais. Quand je conne, je fais pas de break. Tu manges les gants, tu manges le grec. ON3 c'est comme l'OPEP, c'est du pétrole quand je sève. Ça sent le Gucci quand je tape. T'en veux encore comme le Jeb. Je lui fais pas confiance parce qu'il veut ce que j'ai. Non, j'ai connu la galère, donc je sais ce que c'est. Je serai jamais unique comme je viens d'en bas. Comme un gilet jaune, tu faisais du cheval quand je rêvais d'avoir un VDT. Tous à l'hôpital, demander aux neuf de ITT. C'est ta meuf, la chance, c'est pas la mienne. Les petits ponts de huile, c'est dans la peucha de ta chienne. 3 grosses networks sur le net. J'imagine pas les kilomètres. 2-7, 2-7, 2-7, 2-7.